L'Istituto Geografico De Agostì presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 70. Prise de parole. À côté de l'écumoire. Vous allez écouter et vous répéterez les phrases suivantes concernant la cuisine. La cuisine, c'est sa plus grande passion. Il passe des heures entières à me cuisiner de délicieux petits plats, même après une journée de travail épuisante. Ton mari est une perle rare. Je ne suis ni un maître queue, ni un cordon bleu, mais j'aime bien cuisiner quand j'ai un peu de temps libre. Et ta spécialité, qu'est-ce que c'est ? Les escalopes. Tu es fatigué ? Tu as soif ? Tu as faim ? Si tu veux, je peux te faire cuire un œuf sur le plat. Il y a trop de fumée dans cette cuisine. Les yeux ne te cuisent pas ? Si, attends, je vais ouvrir la fenêtre. Cette blessure me cuit encore. Tu te rends compte ? Je me suis blessée il y a plus d'un mois en ouvrant une boîte de sardines. J'ai décidé d'offrir à ma mère une belle batterie de cuisine toute neuve. Ça lui fera plaisir, n'est-ce pas? Où veux-tu que je cuise les légumes si je ne réussis pas à trouver les casseroles? Les casseroles, elles sont à côté des marmites, de l'écumoire, de la louche, du presse-purée et du mixeur. Là, au-dessus des poêles. Il faut absolument acheter un autre mixeur. Le mien ne marche plus. C'est normal. Il y a plus de 10 ans que tu l'as acheté. Il a fait son temps. Qu'est-ce que tu veux que nous cuisions d'abord ? La viande ou les légumes ? Prise de parole. Comme chair à pâté. Voici quelques phrases concernant les recettes de cuisine. Vous allez les écouter et vous les répéterez. La gastronomie, c'est vraiment un art. Bien sûr, on parle d'ailleurs d'art culinaire. Je viens d'acheter un très beau livre de recettes, regarde. Effectivement, il est très clair et les illustrations sont très soignées. Alors, la recette dit d'émincer 2 oignons, de barder le rôti et de rissoler les pommes de terre, c'est ça ? Oui, tu fais revenir les pommes de terre à feu doux et c'est terminé. Et si on fricassait le lapin que j'ai acheté ce matin? J'en ai l'eau à la bouche. Tu veux hacher du persil, s'il te plaît? Moi, je ne le supporte plus, ce type. Si je pouvais, je le hacherais menu comme chair à pâté. On gratine les pommes de terre? Oh oui, j'ai terriblement envie d'un bon gratin. Et si on invitait aussi Paul? Paul, il n'acceptera jamais. Il ne fréquente que le gratin, celui-là. Il faut que le beurre fonde doucement dans la poêle, sinon il va prendre un mauvais goût. Tu manges des œufs tous les jours? C'est vrai? Oui, j'adore ça. Et c'est excellent pour la santé. Tu devrais acheter une poule alors, pour qu'elle ponde tous les matins, exprès pour toi. Il faut que les morceaux de fromage fondent sur la viande. Prise de parole. Marc, il a le vin gai. Voici maintenant quelques phrases sur les sauces et les vins. Vous allez les écouter avec attention et vous les répéterez. Quel bon petit plat vas-tu me préparer pour ce soir? Si tu veux, je peux cuire un bon rôti et faire une sauce épicée. Je sais que tu aimes ça. Et si je faisais une sauce au câpre? Pour accompagner le plat de lentilles? Non, il vaudrait mieux faire une sauce vinaigrette, tu ne crois pas? Est-ce que je peux saucer mon pain? Mais bien sûr, il reste encore un peu de sauce. Tiens. La sauce du rôti a une odeur délicieuse. Tu veux saucer ton pain? Je sors faire quelques courses. Tu as besoin de quelque chose? Oui, si tu pouvais m'acheter de la mayonnaise et de la béchamel. J'ai absolument besoin de toi pour le choix des vins. Pour accompagner la viande ou le poisson? La viande. Pour la viande, il faut nécessairement du vin rouge, comme pour le fromage. Tiens, voilà un vin blanc excellent pour le dessert que tu as préparé. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour le repas de ce soir? Un vin rouge, blanc ou rosé? De toute façon, pas de vin de table. Ce soir, c'est un dîner important. Il nous faut absolument un vin fin, ou même du champagne. Qu'est-ce que tu en dis? Ne bois pas trop ce soir. Rappelle-toi que tu as le vin triste. J'aimerais beaucoup que Marc vienne ce soir. C'est une personne qui aime bien boire et qui a le vin gai. Il animera la soirée, tu verras. Je ne veux plus que tu fréquentes Jean. Je l'ai toujours vu entre deux vins, celui-là. Le vin rouge bu, il ouvrit une bouteille de blanc et en but plusieurs verres. Il a été malade toute la nuit. Le beau temps revenant, nous pourrions aller sur les bords de la Seine et faire un beau pique-nique. Prise de parole. Les couteaux dans le tiroir. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Qui veut m'aider à dresser la table? Tu veux mettre la nappe et le couvert, s'il te plaît? Qu'est-ce que je mets comme assiette? Les assiettes plates ou les assiettes creuses? Les deux. Et tu trouveras les verres dans ce meuble, les cuillères, les fourchettes et les couteaux dans ce tiroir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. J'ai trop mangé hier soir. Qui veut une autre assiettée de soupe? Passe-moi le plat de petits pois. J'aimerais bien en prendre encore un peu. Je rentre souvent très tard chez moi et je n'ai pas le temps de préparer des plats trop compliqués. Souvent même, j'achète un plat cuisiné, c'est bien suffisant. Non, non, pas de plat garni. Je n'ai pas faim ce soir. Je mangerai un œuf sur le plat, c'est tout. Bon, d'accord, j'ai oublié d'acheter le vin, mais tu ne vas pas en faire tout un plat quand même. Quel est le plat de résistance? Une bonne choucroute alsacienne, ça va? Je t'ai mijoté un bon petit plat. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Assieds-toi et tu verras. Je ne trouve plus les cuillères à soupe, ni les cuillères à dessert, ni les petites cuillères. Dans le premier tiroir à gauche. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu Anne. Elle viendra manger chez nous dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est-à-dire mardi? C'est parfait. J'ai 2 autres amis cuisiniers, à savoir Pierre et Jean. J'inviterai mon patron à dîner au restaurant. Ou mieux, je l'inviterai chez nous. Pour l'anniversaire de ma femme, je lui achèterai un mixeur, ou plutôt 2. Comme ça, elle ne pourra plus dire que le sien est toujours en panne. Achète-moi 1 kilo de viande, soit 10 de tranches. Écoute. Il vous en cuira. Vous allez écouter maintenant les phrases suivantes, formées à partir de quelques expressions imagées. Si Marie vient dîner ce soir, alors tu dois mijoter de bons petits plats, parce que c'est quelqu'un qui aime la bonne chair. Allez, mange quelque chose, fais un effort. Tu ne sais pas à quelle sauce toi tu seras mangé. Ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre Alain. Il ne cédera jamais. C'est un dur à cuire et tout le monde le sait ici. Si vous vous présentez une autre fois au bureau entre deux vins, je peux vous assurer qu'il vous en cuira. Tout le monde sait qu'elle le trompe, et lui aussi. Mais il ne la laissera jamais tomber, parce que c'est elle qui de toute façon fait bouillir la marmite. C'est du latin de cuisine tout ça. Vous allez me faire le plaisir de refaire ce thème latin pour demain. Il n'y a aucune raison pour que je rende toujours service à tout le monde. Et parfois même à mes dépens. C'est vrai, je ne sais pas à quelle sauce je serai mangée, moi. Oui, il faudrait que tu apprennes à te protéger mieux que ça. Il a la réputation d'être un dur à cuire, et je doute que ton charme suffise à le convaincre. S'il se permet encore d'arriver en retard, je peux t'assurer qu'il lui en cuira. Fais attention, pense à toi, parce que tu ne sais pas à quelle sauce tu seras mangé. Conversation. Tendance à grossir. Je t'invite ce soir à manger une de mes nouvelles recettes. Tu verras, c'est un gâteau comme tu n'en as jamais mangé. Un gâteau comme je n'en ai jamais mangé et comme sans aucun doute je ne devrais jamais manger. Je suis au régime, tu le sais bien. Et tu ne peux pas me tenter comme ça. Tu es diabolique. Encore? Tu fais encore un régime? Mais tu n'en as pas besoin, voyons. Tu n'es absolument pas grosse. C'est pour ne pas le devenir que je fais attention. J'ai tendance à grossir très facilement, moi. La direction du Et alors, si on doit se priver de manger, la vie n'a plus aucun sens. J'ai dit seulement que je devais faire attention. Attention à ne pas exagérer, d'accord. Mais ne pas goûter à un gâteau parce qu'on a peur de grossir de quelques grammes, pour moi, c'est de la folie. Et ton gâteau? Oui. Comment est-il, ton gâteau? Très beau. Je veux dire, quels en sont les ingrédients? Beurre, farine, œufs, sucre, crème chantilly, myrtille. Myrtille? Oui, des myrtilles, toutes fraîches que j'ai cueillies moi-même hier après-midi. Et la crème? La crème chantilly, oui. C'est moi qui l'ai faite ce matin et je peux t'assurer qu'elle est délicieuse, très légère et très parfumée. Parfumée à quoi? À la vanille. Je sens que je vais céder. Et les œufs et le beurre, je les ai achetés ce matin dans une ferme. Je cède. Tu acceptes l'invitation? Oui, mais pas ce soir. Tout de suite. Je t'invite ce soir à manger une de mes nouvelles recettes. Tu verras, c'est un gâteau comme tu n'en as jamais mangé. Un gâteau comme je n'en ai jamais mangé et comme sans aucun doute je ne devrais jamais manger. Je suis au régime, tu le sais bien, et tu ne peux pas me tenter comme ça. Tu es diabolique. Encore? Tu fais encore un régime? Mais tu n'en as pas besoin, voyons. Tu n'es absolument pas grosse. C'est pour ne pas le devenir que je fais attention. J'ai tendance à grossir très facilement, moi. Et alors, si on doit se priver de manger, la vie n'a plus aucun sens. J'ai dit seulement que je devais faire attention. Attention à ne pas exagérer, d'accord. Mais ne pas goûter à un gâteau parce qu'on a peur de grossir de quelques grammes, pour moi, c'est de la folie. Et ton gâteau? Oui? Comment est-il, ton gâteau? Très beau. Je veux dire, quels en sont les ingrédients? Beurre, farine, œufs, sucre, crème chantilly, myrtille. Myrtille? Oui, des myrtilles toutes fraîches que j'ai cueillies moi-même hier après-midi. Et la crème? La crème chantilly, oui, c'est moi qui l'ai faite ce matin. Et je peux t'assurer qu'elle est délicieuse, très légère et très parfumée. Parfumée à quoi? À la vanille. Je sens que je vais céder. Et les œufs et le beurre, je les ai achetés ce matin dans une ferme. Je cède. Tu acceptes l'invitation? Oui, mais pas ce soir. Tout de suite. Quel poulet rôti? Et si on allait au restaurant ce soir? Au restaurant? C'est dommage. Pourquoi? J'avais l'intention de te mijoter un bon petit plat. C'est gentil, mais ça nous changerait de sortir un peu. Je sais bien que je ne suis pas un cordon bleu, mais je me débrouille. Parfois, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la dernière fois que tu as voulu me mijoter un bon petit plat, comme tu dis, tu as tout fait brûler. C'était un accident. Et le jour où tu avais versé tout le sel de la salière dans la purée? Tout le sel de la salière? Tu exagères. Et le poulet rôti? Quel poulet rôti? Celui qui n'était pas cuit. Et s'il avait encore eu ses plumes, on l'aurait cru vivant. J'ai compris. On va au restaurant. Tu vois, c'était une bonne idée. Oui, mais chacun de son côté. Et si on allait au restaurant ce soir? Au restaurant, c'est dommage. Pourquoi? J'avais l'intention de te mijoter un bon petit plat. C'est gentil, mais ça nous changerait de sortir un peu. Je sais bien que je ne suis pas un cordon bleu, mais je me débrouille. Parfois, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la dernière fois que tu as voulu me mijoter un bon petit plat, comme tu dis, tu as tout fait brûler. C'était un accident. Et le jour où tu avais versé tout le sel de la salière dans la purée? Tout le sel de la salière? Tu exagères. Et le poulet rôti? Quel poulet rôti? Celui qui n'était pas cuit. Et s'il avait encore eu ses plumes, on l'aurait cru vivant. J'ai compris. On va au restaurant. Tu vois, c'était une bonne idée. Oui, mais chacun de son côté. Bonne volonté. Chérie, où as-tu mis la passoire? La passoire? Oui, la passoire. Elle doit être à côté du presse-purée. Alors où est-il, le presse-purée? À sa place habituelle, derrière les casseroles. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans le buffet en bas. Dans le buffet en bas, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Des nappes et le mixeur, c'est tout. Écoute, c'est toi qui cuisines ce soir ou bien c'est moi? Comment veux-tu que j'y arrive si je ne trouve rien? Alors, prends ton journal ou allume la télé et laisse-moi faire. Tu vois, je suis plein de bonne volonté. Je vois, tous les prétextes sont bons. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Chérie, où as-tu mis la passoire? La passoire? Oui, la passoire. Elle doit être à côté du presse-purée. Alors, où est-il, le presse-purée? À sa place habituelle, derrière les casseroles. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans le buffet, en bas. Dans le buffet, en bas, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Des nappes et le mixeur, c'est tout. Écoute, c'est toi qui cuisines ce soir ou bien c'est moi? Comment veux-tu que j'y arrive si je ne trouve rien? Alors prends ton journal ou allume la télé et laisse-moi faire. Tu vois, je suis plein de bonne volonté. Je vois, tous les prétextes sont bons. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Unité 71. Prise de parole. La dernière blague de Jean. Vous allez écouter et répéter quelques phrases concernant quelques blagueurs. Quand il s'est présenté sur la scène, il y a eu une explosion de rire dans la salle. C'est un excellent acteur comique, tu vois. Il suffit qu'il apparaisse et tout le monde a envie de rire. Monique est une personne enjouée. Elle a bon caractère, oui. C'est quelqu'un de très agréable. Fais attention avec lui. Il n'a pas du tout le sens de l'humour. Et je crois qu'il n'appréciera pas les plaisanteries que tu as l'habitude de faire à tout le monde. Les blagueurs, ce n'est pas son genre. Pierre, c'est un farceur qui fait des gags toutes les 5 minutes. Mais on finit vite par s'en lasser. Tu connais la dernière blague de Jean? Il a remplacé la farce du poulet par de la crème chantilly. Et je peux t'assurer que personne n'a ri, au contraire. Si tu veux faire une farce à quelqu'un, alors fais-en une à Isabelle. J'aimerais bien qu'au moins une fois dans sa vie, elle soit le dindon de la farce. Ce Ce n'est pas la peine de te fatiguer à me raconter des blagues. Jacques vient de me dire toute la vérité. Blague à part, c'est vrai ce qu'on raconte sur le patron? Tu veux parler de ses problèmes avec le fisc? Oui, je crois même qu'il risque la prison. Sans blague. Chacun de nous ici aime faire des blagues, vous comme moi. Mais allez chacun à votre place maintenant. Nous devons continuer notre leçon. Chacun pense d'abord à soi, c'est normal. Mais je commence à en avoir assez. Et je n'ai aucune envie d'être le dindon de la farce la prochaine fois. C'est clair. J'espère que Paul viendra ce soir. Il sait raconter les blagues mieux qu'aucun autre homme. Oui, mais la dernière fois, de tous les invités, aucun n'a ri. Et je doute que ce soir, aucune de ces farces ne les fasse rire. Prise de parole. Le 1er avril. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui a déclenché cette hilarité? Pierre s'est présenté au bureau ce matin avec un pince-nez, sans nous prévenir. C'était trop cocasse. Qu'est-ce qui te fait rire? Je viens de trouver une pince, monseigneur, dans le jardin. Toutes les portes de la maison sont ouvertes et tu trouves ça burlesque? Mais c'est une blague de ton fils. On vient de dire à la radio qu'il y avait deux martiens à la place des deux astronautes américains dans la fusée qui a atterri ce matin à Houston. Mais c'est un canular, voyons. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 1er avril, c'est vrai. Ce que je peux être bête. Je n'aime pas les pinces sans rire. Je n'arrive jamais à comprendre quand ils sont sérieux et quand ils font des mots d'esprit. C'est agaçant à la fin. Pierre a toujours un mot d'esprit pour tout le monde. Il est sympathique, tu ne trouves pas? C'est vrai, il est d'ailleurs très habile à faire des jeux de mots et des calembours. Dès qu'il est entré, tout le monde a éclaté de rire parce qu'il avait oublié d'enlever l'étiquette qui indiquait le prix du chapeau qu'il venait d'acheter et qu'il portait avec une grande fierté. Mireille a un esprit d'observation très aigu et elle ne manque jamais de dire un mot plaisant sur tout ce qui la frappe. Avec elle, on rit souvent, avec le cœur et avec l'esprit. Il riait tellement qu'il en a perdu ses esprits. Et il a fallu le secours d'un médecin pour qu'il les reprenne. Qu'est-ce que j'ai dit pour te faire rire à ce point? Rien. Tu as simplement mis ta veste à l'envers. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Ce que tu veux, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gaieté dans cette maison. Prise de parole. Bernard avait le fou rire. Voici quelques phrases sur les différentes manières de rire. Il suffit d'une boutade pour que tu ris aux larmes? Oui, mais tu dois reconnaître que c'était une boutade désopilante. On aurait bien besoin d'un bout en train dans ce bureau. Dommage que Jean soit parti, on riait à gorge déployée avec lui quand il nous racontait ses blagues. Pourquoi est-ce que tu as ri aux éclats quand le chef de bureau t'a licencié? Parce qu'il me l'a annoncé comme s'il me présentait ses condoléances. Tous les collègues ont ri à s'en tenir les côtes. Pourquoi êtes-vous parti avant la fin de la conférence? C'était pourtant un journaliste très intéressant qui parlait. Bernard avait le fou rire. Et tu sais bien que son rire est terriblement communicatif. Elle a une manière de rire très contagieuse. Si elle commence à rire, personne ne peut résister. Dès qu'il a commencé à me raconter son 4e accident de voiture, 4 accidents en 3 mois, tu te rends compte, je n'ai pas pu m'empêcher de m'esclaffer. Quand je te raconterai ce qui est arrivé à Laurent, tu riras aux éclats. Qu'est-ce que tu as à pouffer de rire toutes les 5 minutes? Quand le professeur l'a interrogé, il a tellement ri qu'il a dû quitter la salle de classe. Prise de parole. Fais ceci plaisante. Voici quelques phrases sur les plaisanteries de mauvais goût. quand il lui a annoncé en plaisantant qu'il avait décidé de changer de collaborateur, je peux t'assurer que Jean a ri jaune. On dit que le rire est le propre de l'homme. Mais pour ce qui concerne ce mauvais plaisant, on devrait dire que c'est le propre de l'imbécile. Un jour ou l'autre, je finirai par lui dire d'arrêter de faire à tout le monde ses plaisanteries d'un goût douteux, même si c'est mon patron, et même si je risque ma place. Qu'est-ce que tu as à rire dans ta barbe? Tu crois que c'est un passe-temps plaisant de se moquer sans arrêt des autres? Oui, c'était une comédie plaisante, pleine de coups de théâtre et de facéties plaisantes. Dommage que moi, je n'étais pas du tout d'humeur à plaisanter ce soir-là. Ça t'amuse peut-être de raconter des blagues stupides sur les chirurgiens qui oublient leur bistouri dans le corps du patient ou qui deviennent fous pendant l'opération. Ma femme doit être opérée demain et je n'entends pas plaisanter là-dessus. Tu trouves ça très amusant de ricaner tout le temps et de rire au nez des gens? Le patron n'est pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Et si vous avez une augmentation à lui demander, je vous conseille d'attendre demain. Écoute. Ça passe la plaisanterie. Vous allez écouter quelques phrases formées à partir d'expressions imagées. Personne ne t'a jamais dit que les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes? Qu'est-ce que tu as ce matin? Tu t'es levé du pied gauche? Ne fais jamais de blagues à mon cousin. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la plaisanterie et qui pourrait se mettre en colère contre toi pour un rien. Elle m'a fait rire comme un bossu quand elle m'a montré les photos de son mari déguisé en loup-garou. En quoi? En loup-garou. C'était pendant le carnaval l'année dernière. Mais qu'est-ce qu'il a? Regarde-le, il rit comme une baleine. Quel est l'imbécile qui a crevé les roues de ma voiture? J'en ai assez de vos blagues stupides. Ça passe la plaisanterie. Oui, d'accord. Je n'étais pas bien réveillé ce matin quand je me suis habillé et j'ai mis une chaussette bleue et une autre rouge. Mais il n'y a pas de quoi rire. J'ai un rendez-vous d'affaires très important dans une demi-heure. Ça vous amuse beaucoup à ce que je vois de vous moquer des autres? Rira bien qui rira le dernier. Mais enfin, ce n'était qu'un canular. Qu'est-ce qui te prend ce matin? Tu n'as plus le sens de l'humour? Tu ne comprends plus la plaisanterie? Tu m'annonces qu'on vient de me voler ma voiture et tu appelles ça un canular? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi rire.